dans l'équipage que des vikings, des vrais gars pour tenir la barre. Et peu importe les guerres, on n'est pas prêt de graver l'histoire. On a tout donné pour cette vie, on gardera les miettes et l'espoir. Et quelques rêves futiles qu'on oubliera quand viendra le soir. Éteins les lights et monte le son, je suis d'une humeur vague à l'âme. Quand vient la nuit, je deviens ce type avec une humeur infâme. J'ai vu la tendresse et la joie que dans le regard de ma femme. Et je t'assure que je quitterai ce monde qu'en périssant dans ses flammes. De l'encre à couler sous les ponts et les ponts sont écroulés. Rien à battre de la vie du juge, l'inspire se fera écrouer. Tu veux de la queue, bla et des rires, va t'es ma Fabrice et boué. Quand vient le soir, j'agrippe la plume et la plume devient bouée. Je rajoute des pierres à l'édifice, mais ce dernier est bancal. Vu que j'ai pas la rime qui fait le bif, je tourne en rond dans mon bocal. Derrière les sourires en façade qu'on peint sur scène en soirée. Un mélange de violence et rage quand vient le soir enfoiré. J'observe la vie au fil du jour et peins le croc qui convient le soir. Et qu'importe leur sens, les rêves ne seront qu'illusoires. Tout donné par passion et quitte à finir étouffé. À bout de souffle le jour, quand vient le soir, je revivrai. J'observe la vie au fil du jour et peins le croc qui convient le soir. Et qu'importe leur sens, les rêves ne seront qu'illusoires. Tout donné par passion et quitte à finir étouffé. À bout de souffle le jour, quand vient le soir, je revivrai. J'adore quand le soleil se couche, voir l'univers apparaître. À cet instant où tout est vrai, que rien n'est dans le paraître. Prendre la route sans destination et voir la nuit qui défile. Guidé par mes inspirations et les lumières de la ville. J'file à 140 vers je ne sais où, un sac de doute sur le dos. J'ai versé des rivières de larmes et les gens n'y voyaient que de l'eau. De toute façon, plus rien à foutre, dans le fond j'ai rien à prouver. Rien à battre des likes et des views afin de me faire approuver. J'ai grandi la tête dans le guidon avec cette peur de l'échec. Armé de la rage et la passion quand d'autres se gonflaient les pecs. J'ai gratté des heures et des jours, des semaines, des mois, des années. Et quand vient le soir devant les foules, je me dis que c'était pas gagné. Je me dis qu'il aura fallu se battre avant de palper nos rêves. Fallait encaisser les coups de batte avant d'espérer la trêve. Avant que les douleurs s'estompent avec les tracas notoires. Cache le mal-être aux yeux du monde, on y repensera quand vient le soir. Avant que les douleurs s'estompent avec les tracas notoires. Cache le mal-être aux yeux du monde, on y repensera quand vient le soir. J'observe la vie au fil du jour et peins le croc qui convient le soir. Et qu'importe leur sens, les rêves ne seront qu'illusoires. Tout donné par passion et quitte à finir étouffé. À bout de souffle le jour, quand vient le soir, je revivrai. J'observe la vie au fil du jour et peins le croc qui convient le soir. Et qu'importe leur sens, les rêves ne seront qu'illusoires. Tout donné par passion et quitte à finir étouffé. À bout de souffle le jour, quand vient le soir, je revivrai.